de la soirée. Je t'ai vu des loin, un mystérieux et malicieux. Je t'ai fleuré la main bien fort de toi. I'm full of toi.